Jamais n'aurons-nous été, depuis 10 mois maintenant, aussi exposés à la notion de croissance exponentielle. Depuis la toute première vague et les lanceurs d'alerte, parfois autoproclamés, qui assuraient que la courbe épidémique suivait une fonction exponentielle, jusqu'au compte-rendu des responsables politiques qui nous disent et nous répètent que le confinement est rendu obligatoire parce que la maladie suit à nouveau une croissance exponentielle. Nous nous sommes demandé si la notion d'exponentielle était finalement si facile à comprendre. Et du coup, on vous explique tout aujourd'hui, depuis sa formalisation par ELR jusqu'à son application à l'épidémie de Covid et même à celle de votre livret A. Fonction exponentielle à toute l'air, c'est le programme qui monte pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Pour faire le tour de cette notion, comprendre comment elle a été élaborée et l'appliquer par la suite à la situation pandémique présente et à d'autres exemples de la vie courante, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé Lenning. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de mathématiques, écrivain, journaliste scientifique, auteur notamment de « Toutes les mathématiques du monde » édité chez Flammarion. Et Nicolas Baccaert, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, en biomathématiques. Mais on commence, avant de vous retrouver, par notre point quotidien sur l'actualité scientifique avec le Journal des Sciences et Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec le sujet du jour. Des astronomes ont imaginé un télescope liquide sur la Lune pour détecter les toutes premières étoiles de l'univers. Oui, les étoiles de population 3, hein, celles qui ont vu le jour quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, alors que les galaxies n'existaient pas encore. Ce moment de toute première lumière est prédit par la théorie, mais n'a jamais été observé. Même le très puissant télescope spatial James Webb, dont le lancement est prévu le 31 octobre 2021, même lui ne sera pas assez puissant pour sonder la lumière de ces étoiles lointaines. Alors, dans une prépublication qui devrait paraître dans The Astrophysical Journal, une équipe américaine décrit l'Ultimate Large Telescope, le télescope ultime. Pour échapper aux effets de l'atmosphère terrestre, il serait basé dans un cratère du pôle sud de la Lune. Il fixerait la même zone de ciel et il aurait un immense miroir de 100 mètres de diamètre. À cette taille, plutôt que du verre, ce miroir serait constitué d'un liquide réfléchissant qui tourne constamment pour obtenir une forme parabolique. L'idée n'est pas nouvelle, elle a été écartée par la NASA il y a 10 ans, mais cette équipe réactualise et améliore ce concept d'un observatoire lunaire d'une précision sans égale. Et on passe au bref. Selon un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, en France, les animaux d'élevage consomment moins d'antibiotiques qu'auparavant. L'usage massif des antibiotiques dans les élevages a en partie aggravé le phénomène d'antibiorésistance, qui, rappelons-le, est un enjeu majeur de santé publique. Lancé en 2012, le plan baptisé Eco-Antibio est un succès. Dans l'ensemble des élevages, la consommation a reculé de plus de 45% depuis 2011. L'utilisation des antibiotiques de manière préventive a été réduite. Le recours aux traitements alternatifs a été encouragé. Cependant, selon ce rapport, il faut s'attendre à ce que cette consommation stagne, à moins de modifier radicalement les pratiques d'élevage. L'US Navy a réalisé la première traversée du canal de Panama avec un cargo robotisé sans aucun équipage. Et la traversée de l'Overlord, un énorme navire robot autonome qui a navigué sans assistance humaine ou presque, lors d'un voyage de 8700 km. Alors pour un navire robotisé de cette taille, c'est un record. Les Overlord vont compléter la flotte de la marine américaine aux côtés de petits navires sans équipage, contrôlés par l'intelligence artificielle. Ces navires sont destinés au transport, au déminage et aux patrouilles de chasse sous-marine. Ce bond technologique pourrait ouvrir la voie à la navigation sans équipage. Et enfin, grâce à une étude parue dans la revue CEII, nous savons enfin à quoi ressemble vraiment un chromosome. Oui, dans les manuels scolaires, ils sont représentés comme des X dodus. Selon cette étude, les chromosomes existent bien sous cette forme, mais très rarement. Les chercheurs de l'université de Harvard ont utilisé de l'imagerie multimodale à haut débit. Ils ont pu cartographier, à l'intérieur des cellules humaines, l'organisation 3D des chromosomes et de la chromatine qui les constituent. Mieux comprendre leur structure, c'est aussi mieux comprendre leur fonctionnement. Et la chimie des chromosomes est plus complexe que l'emblématique X, puisque les chercheurs ont découvert que même dans des cellules identiques, aucun chromosome ne se ressemble. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le journal des sciences de la semaine. Si nous sommes toutes et tous de nouveau confinés cet automne, c'est à cause du coronavirus bien sûr, mais c'est surtout à cause de sa propagation que tout le monde qualifie, parfois d'ailleurs à tort et à travers, d'exponentielle. Alors instinctivement on voit bien ce que c'est qu'une courbe exponentielle, hein, c'est une courbe qui grandit jusqu'à tendre vers l'infini, mais pourquoi qualifier d'exponentielle la progression d'une maladie qui en ce moment même ne tend plus du tout à l'infini, mais au contraire semble atteindre un plateau. Voici donc un petit montage de cette épidémie exponentielle qui sature les services de réanimation et nous contraint à nous confiner et à nous reconfiner. On sait, au moins depuis début septembre, que l'épidémie elle est en croissance exponentielle. Donc ce qu'on pouvait dire en fin août, début septembre, c'est que si rien ne changeait, on allait vers une saturation des services de réanimation en novembre. Les hôpitaux de Genève approchent du point de rupture, à l'image de la majeure partie de la Suisse, où l'épidémie de Covid atteint une croissance exponentielle. Les autorités de la plus grande ville du pays tirent la sonnette d'alarme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Sébastien. 5429 nouveaux cas de Covid en France mercredi, plus de 6000 jeudi et près de 7400 hier. Les autorités sanitaires parlent de dynamique exponentielle. Oui, tout à fait. La croissance exponentielle semble interrompue. C'est ce que nous annonçait la porte-parole interfédérale de la crise du coronavirus, Frédéric Jacobs. L'autre problème, c'est la croissance exponentielle du nombre de cas. Pensez qu'hier, on parlait de 6 à 8 malades. On est passé à 16 en début de matinée, maintenant à plus d'une trentaine. Autant dire que oui, les autorités italiennes sont inquiètes. Voilà un petit florilège de l'emploi exponentiel de la terminologie de la croissance exponentielle elle-même appliquée à l'épidémie. Une réaction peut-être les uns et les autres, Hervé Lénig, Nicolas Bacquer, à propos justement de cette qualification d'exponentielle appliquée à l'épidémie en cours. Est-ce qu'elle est légitime? Est-ce qu'elle est abusive? Qu'en pensez-vous, Hervé Lénig? Il y a aussi bien la croissance exponentielle que la décroissance exponentielle. Quand vous avez une fonction qui est donc a à la puissance x, c'est ça qui est l'exponentielle. Si a est supérieur à 1, ça croît à l'infini de plus en plus. Et si a est plus petit que 1, ça tend vers 0. C'est peut-être qu'il peut nous rassurer d'ailleurs. C'est la même logique suivant le R0, pour employer la terminologie, l'épidémiologie, ça croît ou ça décroît. Et dans les deux cas, c'est beaucoup. C'est-à-dire que finalement, cette croissance exponentielle, c'est le calcul que font les épidémiologistes autour du taux de reproduction, Nicolas Bacquer. L'un peut se superposer à l'autre? Oui, donc la remarque que j'avais, c'était au niveau du vocabulaire, on utilise exponentielle, mais il y a une autre expression que les auditeurs ont peut-être entendue au lycée, c'est croissance géométrique. La croissance géométrique, en fait, c'est synonyme d'exponentielle. C'est par exemple quand on double au bout d'un certain nombre, chaque intervalle de temps, en fait, on peut dire soit croissance géométrique, par exemple 2, 4, 8, 16, 32. Bon, on peut dire soit une suite géométrique, soit aussi une exponentielle. C'est synonyme. On va revenir sur cette suite géométrique, cette qualification de suite géométrique. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai le souvenir d'une conversation avec l'épidémiologiste Arnaud Fontanet qui nous disait, durant cet été, nous, les membres du conseil scientifique ou les épidémiologistes, nous avons alerté les pouvoirs publics justement sur le fait que même à bas bruit ou à très faible taux, toute croissance épidémique était une croissance exponentielle, mais que ça ne se voyait pas encore. C'est peut-être ça qu'il faut préciser dès le départ, Hervé Lénig, c'est que même avec à 1,01, on est d'ores et déjà dans une mécanique de croissance exponentielle, même si elle est à très bas bruit et même si elle ne tend pas immédiatement vers l'infini. C'était un peu le clin d'œil que je faisais en parlant du livret A. Votre livret A, c'est une croissance exponentielle, oui. Sauf que c'est une croissance exponentielle à très bas taux. Oui, vous me faisiez penser au livret A, du coup. Oui, c'est ça. Effectivement, si vous avez un taux qui sont très bas de nos jours, à moins d'être négatifs, s'ils sont positifs, vous augmentez tout le temps. Et ça va finir par faire une fortune. Enfin, une fortune, c'est même quand on a 0,5%, ça fera du temps, mais c'est le même phénomène. Peut-être un commentaire là-dessus, Nicolas Bacaer. C'est difficile de penser, quand on pense exponentiel, on pense toujours que ça tend vers l'infini, c'est-à-dire qu'il y a un taux de doublement qui est extrêmement rapide, mais ce taux de doublement, il peut être extrêmement lent, on peut être vraiment au tout début de la courbe, ça n'en reste pas moins une croissance exponentielle. Oui, exactement. En fait, souvent, on emploie exponentiel quand les chiffres commencent à devenir très grands, mais en fait, la courbe croît à un taux constant. On va justement essayer de voir exactement ce que c'est que, non seulement ce dont nous sommes en train de parler en ce moment, c'est-à-dire la croissance exponentielle, mais on va essayer de comprendre exactement ce qu'est la fonction exponentielle et comment, eh bien, dans l'histoire des mathématiques, cette fonction a été comprise et comment elle a été établie. C'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Aujourd'hui, histoire des mathématiques, en compagnie d'Hervé Lehning et Nicolas Bacaer, nous parlons de la fonction exponentielle, de la façon dont elle a été formalisée, comprise, et aujourd'hui, comment on l'applique à différents cas de la vie courante et pas uniquement à l'épidémie. Si on repart pas à pas, en reprenant les bases historiques, on va voir et on va vous expliquer que la naissance des exponentielles ne peut être détachée de celle des logarithmes, on va vous réexpliquer tout ça, mais avant le XVIIe siècle, avant que tout cela ne soit formalisé, ce type d'augmentation d'abord lente puis qui tend vers l'infini, ça a été pensé, ça a été formalisé par d'autres mathématiciens, Hervé Lehning ? Formalisé, je ne sais pas, mais déjà Nicole Oresme, c'est un philosophe et mathématicien du Moyen-Âge, on parle. Il en parle en quels termes ? Là, j'avoue que... Je vous prends un peu de cours. Peut-être... C'est en latin, déjà. Je vous trouve gonflé de pas être capable de citer ça en latin de mémoire. Non, je plaisante, évidemment, Hervé Lehning. Peut-être, en fait, la référence que tout le monde a en tête, en général, c'est la fameuse légende ou le problème de l'échiquier de Sissa, dont vous pouvez peut-être nous dire un mot. Ah oui, vous pouvez faire l'expérience. Vous pouvez essayer de faire l'expérience, ça paraît toute simple, comme ça. Si vous avez un échiquier, c'était pour récompenser le créateur du jeu d'échecs, paraît-il. Donc il a demandé comme récompense qu'on mette un grain de blé sur la première case de l'échiquier, deux grains de blé sur la deuxième, et on multiplie par deux à chaque fois. Donc 4, 8, 16, etc. Le roi qui devait donner cette récompense a semblé à penser que c'était vraiment très, très modeste, il voulait que ça, tout de même c'est... ridicule. Et en fait, c'est absolument énorme, hein, puisque c'est la somme 1 plus 2 plus 4 plus, etc., plus 8 plus 16. Donc vous doublez à chaque fois. Nicolas. Donc, j'ai pas de tête le nombre de zéros qu'il y a à la fin de ce nombre-là, mais c'est énorme. Je vais vous le retrouver, mais c'est effectivement énorme. On termine à 2 puissance 63, donc c'est vraiment beaucoup. Nicolas Bacaer, peut-être un mot justement sur la façon dont on a commencé, dont les premiers mathématiciens ont commencé à appréhender ces courbes exponentielles et ces augmentations qui, d'un seul coup, donnaient des nombres et des proportions complètement délirantes. Oh, moi je ferais remonter cette suite géométrique même plus avant, hein, à mon avis dès l'Antiquité, juste le fait de multiplier par deux à chaque opération, les mathématiciens grecs avaient dû certainement observer ça déjà. En fait, on place le début de la compréhension ou de la formalisation. Peut-être on peut dire un mot aussi avant de plonger dans l'histoire, Nicolas Bacaer, qu'il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer la croissance exponentielle de la fonction exponentielle. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Croissance exponentielle, ce serait plutôt dans un domaine appliqué, en biologie ou en économie. Alors que la fonction exponentielle, c'est plutôt dans un contexte mathématique. Hervé Lehning ? Oui. À propos justement peut-être du distinguo à faire entre la croissance et la fonction exponentielle ? Enfin, pour moi, je parle surtout de fonction exponentielle. La croissance exponentielle, c'est la croissance de la fonction exponentielle. Donc, qui est effectivement un doublement, tout une certaine avec une certaine à chaque espace de temps, comme exactement les coupes de l'échiquier. Alors, on va revenir à l'histoire de tout cela. On peut donc peut-être commencer, je ne sais pas qui veut se lancer là-dedans, peut-être vous, Hervé Lenning. Donc, on est au 17e avec le mathématicien écossais John Napier qui commence à poser les bases logarithmiques qui vont conduire petit à petit à cette fonction exponentielle. Oui, ben, Napier, je prononce à la française. Je vous en prie. Napier a inventé le logarithme. Effectivement, c'était pour faire des calculs, c'est-à-dire on arrive à faire des multiplications, qui est une opération pas compliquée en théorie, mais compliquée à faire pratiquement à la main. Et on la remplace par une addition de logarithme. C'est-à-dire le logarithme transforme une multiplication en addition. Et la fonction exponentielle, c'est le contraire. Et quelles sont les bases justement de pourquoi est-ce qu'on lit toujours d'ailleurs le logarithme ou en tout cas la compréhension de cette fonction logarithmique avec la fonction exponentielle, Nicolas Baccaer? En fait, elles sont inverses l'une de l'autre. C'est-à-dire que le logarithme transforme des multiplications en additions. Et inversement, l'exponentielle transforme des additions en multiplication. Donc, c'est deux fonctions qui vivent ensemble. On peut pas les dissocier. Bon, il se trouve que historiquement, le logarithme a précédé de quelques décennies, si vous voulez, l'exponentielle. Mais en fait, elles viennent ensemble. Donc on fixe donc la compréhension, en tout cas l'établissement de ces fonctions logarithmiques avec John Napier. On est donc au début du 17e siècle. Une fois que cette fonction logarithmique a été découverte ou en tout cas formalisée, quelle est la suite? Puisqu'effectivement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Nicolas Baccaer, c'est que la croissance exponentielle, c'est une croissance géométrique. Et effectivement, on va passer par la géométrie, notamment avec Huygens, et notamment les tentatives de calcul d'air sous l'hyperbole, pour arriver petit à petit à formaliser cette fonction exponentielle. Nicolas Baccaer. Oui, donc en fait, il y a beaucoup de chemins qui mènent à l'exponentielle. Donc, effectivement, le calcul de l'air sous une hyperbole est l'un des chemins. Actuellement, dans les écoles, dans les universités, ça dépend un peu du professeur par quel chemin il préfère présenter l'exponentielle et le logarithme. Certains insisteront plutôt sur la propriété de transformation de multiplication en addition. Si on prend ça comme définition, on peut en déduire le reste. Il y a d'autres qui préféreront partir de la définition qui fait intervenir l'air sous l'hyperbole. Et en fait, ce sont des définitions équivalentes, mais bon, qui sont si vous voulez, ça dépend un peu du professeur. De l'école. Quelle serait la vôtre, Nicolas Baccaer? Quelle est, à votre avis, l'école ou l'explication qui est la plus opérante? Alors, je dirais que pour les lycéens, peut-être la définition avec l'air sous l'hyperbole est plus visuelle, disons. C'est un problème qui se pose plus naturellement que la définition qui transforme les multiplications en addition. Donc, souvent, c'est comme ça qu'on l'introduit au lycée. Alors, effectivement, ça peut intervenir que vers la fin du lycée, parce que pour le calcul d'air sous des courbes un peu compliquées, vous savez que très vite, on tombe sur des problèmes qui relèvent de ce qu'on appelle le calcul infinitésimal, de l'analyse. Et les outils sont des outils, les dérivés, les intégrales, qui sont des outils qu'on aperçoit en général qu'en toute fin de lycée et plutôt après le bac, en fait. Hervé Lenning, peut-être un mot là-dessus sur l'approche justement, l'approche Huygens, c'est-à-dire cette approche géométrique qui permet d'arriver à l'exponentielle par le calcul. Pourquoi d'ailleurs le calcul d'air sous l'hyperbole? Quelle est la démarche de pensée de Huygens quand il cherche à approximer le calcul de cet air? Je sais pas ce que pensait Huygens, mais on obtient le logarithme comme ça. Comment ça? Alors, essayez de nous expliquer, parce que comme je vous le disais, c'est vrai que les mathématiques à la radio, ça demande parfois un peu d'image ou en tout cas d'explication. C'est pas toujours simple quand on n'a pas un tableau ou un support visuel. Mais par ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez retrouver un certain nombre de supports visuels via notre fil Twitter @laméthodefc. Mais effectivement, il va falloir trouver des astuces de représentation pour qu'on puisse comprendre comment on passe de l'un à l'autre. Alors, en fait, là, il s'agit de la fonction qui a x associé à sur x. C'est une hyperbole. Mmh. Il y a deux branches. Je pense uniquement à la branche positive de ce côté-là. Et si on prend l'air sous cette courbe entre l'abscisse 1 et l'abscisse x, on obtient le log de x. Alors effectivement, on arrive à des... Je l'ai assaigné comme ça de temps en temps, puis en fait, c'est assez laborieux. Alors, quelle serait la meilleure méthode, à votre avis? Tout dépend de la culture mathématique des étudiants. Alors, quand vous êtes au niveau bac plus 2, bac plus 3, vous prenez une série, vous faites la somme d'une série entière. Mm-hmm. La somme d'une série infinie, donc. Donc, les x puissance n sur factoriel n. Et à ce moment-là, vous obtenez directement l'exponentielle x. Vous prouvez qu'elle vérifie l'exponentielle x de x plus y égale l'exponentielle x multiplié par l'exponentielle y. Mmh. Donc c'est la transformation d'addition en multiplication. Mmh. C'est-à-dire que c'est un petit peu abscon à raconter. C'est ça. C'est toute la difficulté de l'exercice que nous tâchons de faire aujourd'hui, c'est essayer d'éviter. Alors, si on ne parle pas des étudiants de bac plus 2, mais qu'on parle aux auditrices et aux auditeurs de France Culture, en fait, ce que j'aimerais réussir à vous faire expliquer, peut-être pour arriver progressivement à Euler, c'est comment est-ce que depuis justement les premiers pas de Napier de l'échelle logarithmique jusqu'à Euler, en passant justement par ce calcul de Huygens, on peut peut-être éventuellement dire un mot, Nicolas Baccaer, aussi de l'étape des tangentes, c'est-à-dire via Descartes, comment la recherche d'une courbe dont la sous-tangente serait constante, ça amène progressivement justement à cette fonction exponentielle. Ah oui, je vois de quoi vous voyez parlez. Par où je veux passer. Alors, en fait, effectivement, c'est un problème qui avait été posé à Descartes par un mathématicien pas très connu qui, je crois, s'appelle Florimond de Beaune. Et alors, donc, c'était juste après la publication par Descartes de son livre, de son discours de la méthode. Vous savez qu'il y avait des livres, il s'était accompagné de plusieurs livres, dont un traité de géométrie. Et donc, Florimond de Beaune avait lu ce livre et posait des questions à Descartes en correspondance. Et il avait imaginé un problème où la tangente à la courbe, à une certaine courbe, recouperait l'axe des abscisses en un certain point. Et il voulait imposer une condition sur ce point d'intersection. Il voulait que ce qu'il appelait la sous-tangente, c'est-à-dire si vous voulez la distance entre cette intersection et puis le pied de la fonction, soit constant. Et donc si vous traduisez ça en termes mathématiques, en fait la tangente est liée à la dérivée de la fonction. Et dire que cette sous-tangente est constante, ça revient à dire en fait que la dérivée est proportionnelle à la fonction elle-même. Mmh. Et en fait, ça c'est exact, c'est une des multiples définitions de l'exponentielle, à savoir que la dérivée de l'exponentielle est égale à une constante fois cette fonction. Et donc c'est un des chemins qui mène à l'exponentielle. Et qui mène à Euler. On lit souvent effectivement cette fonction exponentielle, et d'ailleurs le nombre E sera appelé le nombre d'Euler. Pourquoi? Quel est l'apport d'Euler en fait, Nicolas Baccaer? Qu'est-ce qu'il vient formaliser? En fait, il arrive en bout de chaîne à travers les différentes chaînes que l'on vient de décrire, hein, la chaîne géométrique, la chaîne logarithmique et ces fameuses sous-tangentes, pour poser un principe dans ses recherches générales sur la mortalité et la multiplication du genre humain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oh oui, alors là, on a peut-être sauté. Sauter une étape, bah, je vous en prie. Alors, je vous laisse compléter les blancs. Parce que entre Descartes et Euler, en fait, il faut dire que sont intervenus Newton et Leibniz. Bien sûr, oui. Qui ont justement commencé à développer le calcul infinitésimal, disons ce qu'on appelle de nos jours plutôt l'analyse mathématique, avec le calcul des dérivés et des intégrales. Et donc, l'exponentiel était déjà un peu, disons, connu à la fois de Newton, qui était par exemple le grand spécialiste des développements en série, et de Leibniz. Donc, il paraît que, bon, je suis pas vraiment historien des mathématiques, mais il paraît que dans les écrits de Leibniz, on retrouve déjà le fameux nombre E, qui est le base de l'exponentielle. Et en fait, Euler, c'est une génération plus tard. C'est-à-dire, en fait, il y a eu Newton et Leibniz sont des contemporains. Après, Leibniz a eu des étudiants qui sont les Bernoulli, notamment Jean Bernoulli. Mm-hmm. Et après, Euler est lui-même un étudiant de Jean Bernoulli. Et donc, après quelques décennies, si vous voulez, le problème s'est un peu décanté. Et c'est comme ça que Euler a pu, si vous voulez, synthétiser tout ce que ses prédécesseurs avaient trouvé. Et alors, non seulement il a écrit des manuels où il parlait de l'exponentielle et du logarithme, mais en plus, il a consacré quelques articles à l'application à des problèmes de démographie. Donc, c'est l'article que vous mentionniez à l'instant. Là. Et donc, c'était si vous voulez, c'était pour donner des exemples d'applications, si vous voulez, de l'exponentielle et du logarithme au lecteur. Et donc, il considérait, par exemple, des populations où il supposait qu'il y avait un taux de croissance constant et il demandait, par exemple, au bout de 100 ans, combien serait la population. Ou inversement, si on connaissait la croissance, enfin, de combien ça avait augmenté sur une certaine période, quel était le taux de croissance sous-jacent. Donc, il a été assez pionnier, disons, dans l'application de l'exponentielle au problème de dynamique des populations. On reviendra à ces problèmes de dynamique de population, parce qu'effectivement, si Euler ouvre cette porte, on peut dire en quelque sorte que Malthus va l'enfoncer peu d'années après. Peut-être un mot, Hervé Lenning, est-ce que vous voulez revenir un peu justement sur ces apports de calcul infinitésimal de Newton et de Leibniz, et sur ces étapes que j'ai un peu grillées et sur lesquelles il y a encore certainement quelque chose à dire? Alors sur Euler, tout de même, l'apport d'Euler, il a généralisé l'exponentielle. Alors pour moi, il a trouvé il a déterminé le nombre E. Mm-hmm. Enfin peut-être qu'il était déjà sous-jacent chez Descartes. Je suis pas un spécialiste point là pour l'affirmer. Mais il est donc au tout départ, des gens comme Horace, dont je parlais tout à l'heure, ont défini l'exponentielle pour des nombres rationnels. Ça ne veut pas dire des nombres raisonnables, ça veut dire des quotients d'entiers. Oui, bien sûr. Donc, Euler a généralisé ça aux nombres réels, tous les nombres. Et encore plus, il a écrit donc après l'exponentielle comme une série de nombres, ce dont je parlais tout à l'heure, et il a généralisé du coup au complexe. Il calcule carrément l'exponentielle de i pi. I, c'est le nombre de la racine carrée, une racine carrée de moins 1, et pi, c'est le nombre d'Archimède. Bien sûr. Et il a montré qu'exponentielle de i pi plus 1 est égal à 0, qui a été considéré, après un concours, je crois que c'était en l'an 2000, la plus belle formule des mathématiques. Alors pourquoi la plus belle? Chacun a son idée là-dessus. Quelle est la vôtre? Je vais vous donner la mienne, mais je ne voulais pas être égoïste à ce point-là non plus. Enfin, la mienne, c'est qu'elle regroupe des constantes importantes des mathématiques, bah, le 0 et le 1, les éléments neutres de l'addition et de la multiplication, i, la base des nombres imaginaires. Alors, c'est imaginaire, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais c'est Descartes justement qui l'a appelé imaginaire, parce que normalement, un carré de nombres, c'est toujours positif, enfin, sauf si on généralise au nombre imaginaire, du coup ça peut être négatif. Alors où j'en étais? Donc Donc puissance si pi plus 1, donc il y a le 1 et le 0, il y a le nombre i qui donc est nécessaire pour parler de nombre complexe, il y a le pi qui est le nombre d'Archimède, qui est avec de Pierre égale il y a la longueur de la circonférence d'un cercle de rayon R. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, je crois que j'étais jusqu'au bout. Et la question était de savoir pourquoi, quelle était votre opinion sur le fait que ce soit la plus belle formule qui a été produite par la mathématique. La plus belle, c'est parce que c'est à cause de ce que je disais. Elle réunit le 0, le 1, le i. Donc racine carrée de moins 1, je rappelle, oui. Et le pi, qui est et des nombres transcendants les plus courants. On va continuer, on va parler un peu de ce fameux nombre E, on va comprendre ce qu'il a à voir avec la fonction exponentielle, ce E qui a été attribué, ou en tout cas à qu'on appelle le nombre de l'air, et puis on va essayer surtout de voir en quoi cette fonction et cette croissance exponentielle se retrouvent dans beaucoup de travaux concrets, des travaux physiques, des travaux de chimie, des travaux aussi démographiques. On en parle dans un instant. Easily threatened, you don't understand. Quick to attack back, you misread. You don't seem to want to, but you hurt them instead. Heart is big and offended. Hurt people, hurt people. Stop the car, I'll go my way. Can't People, Hurt People de Krill à 16h35 sur France Culture, hein, toujours comme depuis le début du confinement, en soutien à la scène musicale indépendante française, à l'initiative de notre réalisateur Olivier Bétard. Nous parlons aujourd'hui d'exponentiel, de croissance exponentielle, de fonction exponentielle et d'histoire de l'exponentiel, en compagnie d'Hervé Lenning, qui est professeur de mathématiques, écrivain et journaliste scientifique, de Nicolas Baccaer, qui est chargé de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement en Biomathématiques, et nous avons été rejoints par le camarade Roger Mansuit, que je salue. Bonjour Roger. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes professeur de mathématiques au lycée Saint-Louis, également chargé de cours à l'École nationale supérieure de techniques avancées. Alors j'aimerais peut-être qu'on parle de ce fameux nombre E, du lien qu'il a avec Euler et du lien que l'on peut faire justement dans sa formalisation par rapport à la compréhension de cette fonction exponentielle. Qui veut commencer là-dessus? Nicolas Baccaer, un mot là-dessus? Tout d'abord, bon, je suis pas un spécialiste de l'histoire des mathématiques, mais il me semble pas que E vienne, enfin la lettre E était choisie pour Euler. Non, bien sûr. Son nom commence effectivement par un E, mais comme c'est lui qui l'a utilisé en premier, à mon avis, il était quand même suffisamment modeste pour pas donner son propre nom à la lettre. Que dire de ce nombre? Bon, d'abord, il vaut environ 2,7. Très arrondi. Bon, je 2,718, je sais plus combien. Mm-hmm. Et bon, c'est un nombre, si vous voulez, un peu omniprésent en mathématiques. Vous pouvez nous redire exactement à quoi il correspond en mathématiques? À quoi il correspond? Alors, si vous voulez une définition, c'est pas évident en fait. Si vous voulez, le E, c'est le nombre. Ça dépend. Si vous connaissez le logarithme, par exemple, si vous dites, vous connaissez l'hyperbole, mm-hmm. la surface sous l'hyperbole, c'est le logarithme. Mm-hmm. Bon. Eh ben, E, ce sera le nombre pour lequel le logarithme sera égal à 1. Très bien. Oui. Une manière de définir, si vous voulez, si vous prenez l'hyperbole qui va de l'abscisse x égale 1 jusqu'à l'abscisse x égale e, et ben sous cette hyperbole, l'air sera égal à 1. C'est une manière de définir e. Très bien. Roger Mansuit, un mot sur ce nombre e? Bah, c'est une convention en fait. C'est un nombre qui est intéressant et qui est fascinant parce qu'il apparaît un peu partout. Mais si on parle pour l'exponentielle, c'est juste une convention parce qu'il n'y a pas une exponentielle. Il y a plein de familles d'exponentielles. J'entendais tout à l'heure Nicolas qui disait qu'il y avait Nicolas Baccaer, oui. Nicolas mathématicien. qu'il y avait toute une famille d'exponentielles avec des coefficients qui étaient à l'intérieur. Il y avait différentes exponentielles. Et bien on en a choisi une qui était plus intéressante que les autres, qui est cette exponentielle en base E. Et E, le nombre qui est là, c'est celui qui définit notre exponentielle courante, celle qu'on utilise habituellement. Mais en fait, on pourrait faire des exponentielles avec d'autres constantes. Et effectivement, comme tout de suite c'était dit, là, celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle est liée au logarithme népérien, le logarithme naturel que vous avez défini aussi avant. Donc c'est celle qui est intéressante juste parce que c'est la convention qui nous la rend plus intéressante. Et puis il y a autre chose, c'est que c'est un nombre qui est un peu fascinant parce que on peut pas l'exprimer simplement à partir des autres nombres. Il n'a pas de propriété de calcul très simple et il a la propriété d'être transcendant. Ce qu'on avait déjà parlé, c'est qu'on peut pas le calculer simplement comme solution d'une équation avec des produits, des sommes. Donc c'est un nombre à la fois qui est une convention, qui fait que il apparaît. C'est un choix, on a choisi cette convention-là, mais en même temps, il apparaît un peu partout dans les mathématiques et il a des propriétés intéressantes. Ça fait quand même trois raisons de regarder E un peu différemment. Hervé Lenning, sur ce nombre E. Bah, c'est ce que j'aurais dit. Enfin, Euler le définit comme la somme des 1 sur factoriel n, des inverses des factoriels. Mais il arrive naturellement à ça à travers un calcul que je ne ferai pas de tête. On ne vous demande pas de le faire de tête ici même. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur cet apport d'Euler et sur la façon dont Euler va commencer à appliquer justement cette fonction exponentielle à la démographie. Vous disiez, Roger, que cette approche par la démographie est assez utile justement pour parler de la fonction exponentielle aux jeunes étudiants. Pourquoi est-ce que cette approche justement est une approche utile pédagogique? pédagogiquement selon vous ? Alors, déjà parce qu'elle est, très naturelle. C'est-à-dire, si on se dit notre vitesse de propagation, notre vitesse d'augmentation, enfin notre augmentation est proportionnelle au nombre où on est, typiquement là dans l'épidémie, si on se dit le nombre de nouveaux malades va être proportionnel au nombre de malades qui sont là, parce que chaque malade va contaminer un nombre de personnes, bah, on obtient une équation qu'on appelle une équation différentielle, et la résolution de cette équation différentielle fait tout de suite apparaître l'exponentielle. Donc c'est naturel parce que à partir d'une hypothèse simple de modélisation, on fait apparaître une équation mathématique dont la solution est l'exponentielle, ou plutôt dont les solutions sont proportionnelles à l'exponentielle, si je veux parler en tant que prof de maths. Mmh. Et j'ai dit là avec l'épidémie parce que évidemment c'est ce à quoi on pense tous, mais quand on dit démographie, il suffit de dire que chaque humain va faire naître 2,3 enfants en moyenne. On va dire 3 pour là, et la population va être multipliée par 3 à chaque génération si chaque humain fait 3 nouveaux enfants. Donc c'est encore une histoire de toujours une même équation. La vitesse, l'augmentation est proportionnelle à la taille de la population au départ. Si on traduit ça mathématiquement, on obtient une équation différentielle, et cette équation différentielle nous amène à l'exponentielle. Allez-y, je vous en prie, pardon. Je disais juste... Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Bah parce que l'hypothèse la plus simple de propagation d'augmentation, bah elle nous amène à l'exponentielle sans qu'on ait rien à faire, sans qu'on ait d'autres travail mathématiques à faire. Et ce qui est intéressant quand on commence, parce que ce qui est intéressant quand on applique ça en démographie, c'est qu'on voit qu'on est dans une logique d'augmentation qui est a priori une logique infinie, mais que finalement cette augmentation exponentielle, lorsque elle est confrontée à une certaine forme de réalité, à des limites, alors à ce moment-là, on n'est plus tout à fait, et là on revient à notre cadre épidémique du début de l'émission, on n'est plus tout à fait dans une croissance exponentielle, mais on est dans une croissance logistique qui a été, elle, définie par Paul-François Verhulst en 1840. Qu'est-ce que c'est qu'une croissance logistique, Nicolas Baccaer ? Alors, donc effectivement, c'est ce mathématicien belge Verhulst qui a pensé le premier. Il a supposé que, alors, il partait du point de vue de croissance exponentielle. La croissance exponentielle, c'est la dérivée qui est proportionnelle à la population. Et alors, il a fait une hypothèse, comme c'est freiné au bout d'un certain temps, il a dit, cette équation n'est pas tout à fait correcte, il faut, si vous voulez, ajouter un terme correctif, et au lieu d'ajouter, donc le terme de croissance exponentielle, c'est un terme linéaire en la population, il a dit, on va ajouter un terme correctif qui est quadratique en la population. Qui va dépendre du carré de la population. Quand vous faites des fonctions simples en mathématiques, d'abord vous commencez avec la fonction linéaire, et si vous voulez la deuxième fonction la plus simple, c'est la fonction quadratique, qui est par exemple la population moins un certain coefficient fois la population au carré. Et à partir de ça, en fait, on peut réinterpréter cette équation en disant qu'on a, si vous voulez, comme une sorte de croissance exponentielle, mais dont le coefficient ne serait pas constant et qui aurait tendance à diminuer à mesure que la population augmente. C'est-à-dire, plus la population augmente, plus ça freine la croissance exponentielle. Et en résolvant cette équation, il est tombé sur une... Il a réussi à résoudre explicitement. Et dans ses articles, il utilise le terme de logistique. Et donc, c'est comme ça que cette courbe, finalement, a pris le nom de logistique et est devenue... a gardé le nom jusqu'à maintenant. Bon, après, une période un peu obscure, parce que son travail avait été un peu perdu de vue pendant longtemps. Et c'est qu'au XXe siècle, finalement, on est revenu... On s'est intéressé de nouveau au travail de ce mathématicien belge. Et c'est intéressant cette croissance logistique, Roger Monsu, parce qu'on sort justement de ce présupposé des modèles exponentiels qui imaginent que toute population est homogène et infinie. Or, dans la réalité, et notamment dans une réalité épidémique pour ce qui nous concerne en ce moment, il y a un moment donné où si toute la population est contaminée, la croissance exponentielle s'arrête forcément. Donc peut-être qu'on commence à arriver sur les limites de cette utilisation à tout bout de champ de la croissance exponentielle ou du modèle exponentiel pour définir une logique épidémique. En fait, ce qui se passe, c'est que l'hypothèse qu'on a faite au début pour avoir l'exponentielle, c'est une hypothèse qui est très simple et très naturelle, mais c'est pas une hypothèse réaliste. Donc notre modélisation, elle est bonne dans un premier temps, et elle devient rapidement fausse. À partir du moment où tout le monde est contaminé, il va plus y avoir de nouvelles contaminations, donc on sait que ça va plus augmenter. Donc cette idée de la courbe exponentielle qui montait et ne s'arrêtait plus, eh ben évidemment, elle devient fausse. Quand on fait, il y a quelque chose qu'on dit pas, mais quand on regarde à quoi ressemble la solution de l'équation logistique, au début, ça monte comme l'exponentielle. Mm-hmm. Et puis, à un moment, la courbe va ralentir, elle va se tourner plus vers le bas et elle va s'aplatir. On a cette forme un peu de S, mais dont les deux branches du bout seraient horizontales. Je ne sais pas comment on peut la décrire à la radio, mais on a... Comme ça, c'était très bien. Au début, ça commence comme une exponentielle. Et puis, à un moment, y a un ralentissement qui est derrière. Et dans l'exponentielle, on a dit tout à l'heure, la dérivée, c'est-à-dire ce qui joue le rôle de la vitesse, est proportionnelle à la population. La vitesse du nombre de... Enfin, l'accroissement du nombre de contaminations est proportionnel à la population. Avec Verhoeven, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on dit, oui, mais c'est pas proportionnel à la population, et ça peut pas l'être, parce qu'à un moment, les gens, ils peuvent plus contaminer d'autres personnes. Donc, on a trouvé un facteur correctif qui, lui, va faire redescendre cet accroissement. Donc, au lieu d'avoir un accroissement qui augmente et qui est toujours positif, on va avoir un accroissement qui, à un moment, va commencer à ralentir, à diminuer, puis on va aller vers ce palier limite, qui est dans la courbe logistique. C'est intéressant parce que finalement c'est quand on a parlé, les auditrices et les auditeurs de la méthode scientifique ont déjà entendu parler de ce modèle, ce modèle que l'on applique aux épidémies. C'est le modèle SIR qui est pour le coup, Nicolas Bakker, précisément également un modèle de croissance logistique. Alors je dirais pas tout à fait les choses comme ça. Disons que c'est une variante du modèle logistique, mais c'est pas tout à fait la même équation mathématique qui est derrière. Il faut nous rappeler ce que c'est que le modèle SIR en un mot. Alors, le modèle SIR, c'est un modèle qui divise la population en trois compartiments. S, ce sont les personnes susceptibles d'attraper la maladie, mais qui ne l'ont pas encore attrapée. Donc, I, S pour susceptibles. I, c'est pour les personnes qui sont infectées et qui transmettent la maladie. Et puis R, ce sont les personnes qui sont retirées de la transmission, soit qui ont guéri, soit malheureusement qui sont décédées. Et donc le modèle SIR, c'est un modèle qui est un système d'équations différentielles et qui relie en fait ces trois nombres et qui, d'une certaine manière, présente des aspects qui ressemblent à la fois à la croissance exponentielle et à la croissance logistique, mais qui sont, si vous voulez, il y a des petites différences. Hervé Lenning, un mot sur ce modèle SIR et sur justement les modélisations que l'on peut inférer de ces modèles de croissance différents par rapport à ce que l'on s'est dit sur la croissance exponentielle ? Modèle SIR, en fait, Nicolas a dit tout ce qu'on pouvait dire simplement. Ce qu'il a, c'est qu'il est, ce que je voudrais dire de plus, mais ça a été à peu près dit, il est valable il suppose des hypothèses. Les hypothèses, c'est que, en fait, par exemple, il y a la contamination qui fait passer de susceptible à infecté, enfin, et homogène. Chaque infecté infecte le même nombre de gens. Alors qu'en fait, pour l'appliquer au Covid, apparemment, si j'ai bien entendu, c'est qu'il y aurait des super contaminateurs. Et donc, il faudrait faire des divisions encore plus grandes de la population. Oui, des événements de super contamination, ça aussi, ça reste discuté dans le milieu épidémiologique. Peut-être un mot, si on revient un peu justement au cadre lycéen ou étudiant, Roger Mansuy, les modèles typiques ou ceux dont moi je me souviens de mes études au lycée, et pourtant ça date un peu, les modèles typiques d'études de croissance ou les modèles exponentiels que l'on soumet aux étudiants pour effectivement bien comprendre ces logiques et sur lesquelles on les fait travailler. J'ai des souvenirs notamment de décroissance radioactive ou de diminution d'une injection de médicaments dans le sang. Ce sont ça des modèles absolument typiques de croissance ou de décroissance exponentielle. Ouais, je J'étais en train de chercher, c'est les deux exemples qui me sont venus aussi, en parlant. En fait, il suffit d'avoir un phénomène de propagation où on a un taux de propagation qui est constant. C'est ça. Donc, quand on est en train de faire de la radioactivité, on imagine bien que cet atome se casse, il va en casser deux autres par le phénomène de propagation. Donc, on voit bien que l'accroissement de la population est à chaque fois proportionnel au nombre d'atomes qui sont cassés. Enfin, le nombre d'atomes qui se cassent à l'étape suivante est proportionnel à celle qu'on avait à cette étape-là. Mais effectivement, ça nous donne tout de suite l'exponentielle. Et dès qu'on sort de ce modèle, on parlait de SIR tout de suite, mais il y a d'autres modèles différentiels qui ressemblent un peu à ça. Par exemple? Rapidement, ce qui m'est venu, c'est pas tellement de l'épidémiologie, c'est plutôt un modèle d'écologie. Mm-hmm. Quand on regarde un modèle, ce qu'on appelle proie prédateur, ou si on veut faire un peu plus savant mathématiquement, un modèle de Lotka-Volterra, on est en train de regarder un écosystème où il y a deux espèces, un prédateur et une proie, et on regarde comment évoluent les populations à chaque fois. Donc cette fois-ci, au lieu de faire trois compartiments comme dans le modèle SIR, on n'en fait que deux en disant les animaux qui mangent et ceux qui sont mangés. Et on regarde une évolution naturelle et on se dit, qu'est-ce qui se passe pour les prédateurs? Les prédateurs, ils vont croître par une certaine natalité, ils vont disparaître par une certaine mortalité, puis il y a un facteur qui est lié au fait qu'ils aient oui ou non des proies à portée de main. Donc on a une première équation différentielle, puis on regarde comment évoluent les proies. Et on a un deuxième système. Mais ces systèmes-là qu'on obtient après, mathématiquement, on ne sait pas les étudier exactement. On ne sait pas dire qu'il y a une solution aussi simple que la fonction exponentielle. Et donc on est rapidement coincé d'un point de vue pédagogique. Si on veut une solution explicite, c'est que on ne sait pas le faire. Tout simplement. Donc on peut faire des choses qui sont intéressantes. On peut avoir des propriétés quantitatives. On peut avoir des estimations, on peut avoir de la description numérique. Mais on n'est plus dans le cadre aussi simple que l'on avait avec cette fonction exponentielle. Mmh. Alors, mais pareil pour SIR. Là, on évoquait les superpropagateurs. Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Selon l'âge que l'on a, on n'a pas les mêmes risques et les mêmes façons de contaminer les autres. Donc en fait, quand on fait trois compartiments en disant susceptible, infecté, retiré, en fait, il faudrait faire un susceptible jeune, infecté jeune, retiré, peut-être ça on n'a peut-être pas besoin de séparer, mais et pour moins jeune, puis peut-être pour personnes plus âgées. Et regardez, on aurait un système avec beaucoup plus d'équations qui serait peut-être plus réaliste par rapport au système, par rapport à la réalité. Mais encore une fois, plus notre modèle va être précis, plus notre modélisation va être réaliste, et moins on saura faire de calculs dessus. En sens, moins on saura faire de calculs explicites. Bien sûr. Heureusement, on pourra toujours faire des simulations. Et Dieu sait qu'en termes de modélisation sur le Covid, il y a un certain nombre d'heures de calcul sur des grosses machines qui tournent précisément pour faire de la modélisation et on en parle assez régulièrement à ce micro. Peut-être un mot justement, pour puisque nous arrivons dans les dernières minutes de cette émission, de conclusion aujourd'hui et pour boucler un peu avec ce que nous disions au début, Nicolas Baccaert, est-ce qu'on peut dire que, compte tenu de notre bagage intellectuel maintenant, que qualifier aujourd'hui la croissance épidémique du Covid d'exponentielle est une forme d'abus de langage, ou est-ce qu'on peut isoler en tout cas des parties d'évolution de l'épidémie comme étant des parties stricto sensu exponentielles sur des modèles parfaits entre guillemets? Oui, alors c'est en fait la partie exponentielle, c'est au début de l'épidémie. Au début de l'épidémie, effectivement, l'ajustement de la fonction exponentielle sur les données est souvent assez bon. Enfin, il faut distinguer, c'est pas le tout début. Quand il y a vraiment que très peu de cas, disons une dizaine ou une centaine, on est encore dans une phase où il y a des fluctuations stochastiques. Mais dès qu'on a passé un peu cette phase, disons entre une centaine et 1000 et 10 000 cas, ça a été fait dans de nombreux articles où on traçait, alors cette fois-ci, c'est si on trace le logarithme du nombre de personnes infectées, on trouvait une droite, ce qui voulait bien dire que la croissance était exponentielle. Donc l'exponentielle intervient en début d'épidémie et intervient aussi en fin d'épidémie quand on est dans la phase de décroissance finale. Là aussi, l'exponentielle intervient. Là, actuellement en France, on est plutôt proche du pic de l'épidémie, donc on n'est plus dans la phase exponentielle. Mmh. Roger m'en suit justement sur cette croissance, ou en tout cas sur l'application de cette croissance exponentielle aux conditions épidémiologiques que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'on répète des schémas qui sont des schémas de reprise exponentielle, de décroissance exponentielle? Comment est-ce qu'on peut lier tous ces passages de l'épidémie les uns aux autres en fonction de ce qu'on vient d'apprendre? Alors, il y a quelque chose qui se passe là dans notre discussion qui est un peu bizarre. C'est, on passe du monde mathématique au monde réel, et il faudrait pas confondre l'exact et le vrai dans cette histoire. Le vrai, c'est les mesures qu'on a sur le terrain. Là, l'exact, c'est ce qu'on peut calculer sur un modèle. C'est-à-dire, dans le monde mathématique, on sait calculer, on sait dire ça c'est exponentiel, c'est pas exponentiel. Quand on est dans la réalité du terrain, bah, y a rien qui est vraiment exponentiel, en fait, parce que notre hypothèse est un peu simpliste et les choses bougent un peu différemment. On peut dire, approximativement, c'est exponentiel. Mmh. Et comme vient de le dire Nicolas, quand on est au début de la phase de contamination, en fait, quand tout le monde se contamine à peu près à taux constant, ça ressemble à une exponentielle forcément. Mais dès qu'on arrive dans une situation qui est un peu plus compliquée, quand l'épidémie atteint un seuil, quand il y a des mesures quand même, parce qu'on essaye de se protéger, il y a des protocoles, etc., évidemment qu'on va quitter la phase exponentielle. Donc il y a des moments où ça ressemble à une exponentielle, il y a des moments où ça y ressemble pas du tout. Donc on n'est pas en train de dire, voilà, les maths disent ça, les maths font ça, on dit, les maths décrivent certaines étapes, qui sont des étapes qui ressemblent à des exponentielles, qui approximativement sont des exponentielles, mais on n'est jamais en train de dire, la courbe est une exponentielle. En fait, les maths, d'ailleurs, ils diraient pas ça. Mm-hmm. C'est juste un moyen de décrire la façon dont ça... l'allure globale de notre courbe de contamination. Et les matheux, ils diraient quoi précisément, pour conclure ? Je ne sais pas si le matheux, il dirait beaucoup de choses, en fait. À l'intérieur, le matheux, il se mouillerait pas trop pour une description exacte. Il dirait plutôt, dans un modèle qui est relativement fiable, je sais faire des calculs, je sais dire des choses. Il dirait pas, la réalité est comme ça. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin en tout cas. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Roger Mansuit. Merci Nicolas Baccaer. Merci Hervé Lénig d'être venu nous parler donc de cette fonction exponentielle appliquée plus ou moins au contexte épidémique. Hervé Lénig, je rappelle qu'on peut vous lire dans toutes les mathématiques du monde chez Flammarion. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation et Nasser Moussaoui à la technique. Demain, ce sera un vendredi, une table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche avec, comme vous le savez, dans ces vendredis, une semaine sur deux, trois dossiers. Le premier, comment les drones et les robots livreurs peuvent réorganiser la ville, particulièrement les leçons du confinement sur cette livraison du dernier kilomètre appliqué à la robotique. On va revenir sur la controverse autour des traces de vie et de la phosphine sur Vénus. Et puis, on va parler de la détection d'une kilonova qui peut être attribuée potentiellement à la naissance d'un magnétar. On se retrouve également demain, comme tous les vendredis, à 7h15 pour une radiographie du coronavirus. Avec cette question, que peut-on attester aujourd'hui exactement de l'origine du coronavirus? Est-ce qu'il nous vient bien de la chauve-souris, du pangolin? Et puis, pourquoi pas, puisqu'il en a été question récemment, de l'hypothèse de l'échappement d'un laboratoire. On en parle demain à 7h15 dans les matins de France Culture. Et puis, si vraiment vous êtes accro à la science et que vous suivez également le camarade Mathieu Vidard dans La Terre au Carré, demain à 14h, j'aurai le plaisir et le privilège d'y être invité pour vous parler du petit livre que je sors récemment aux éditions EPA sur l'espace. Voilà, on parle de tout ça demain à 7h15, à 14h sur France Inter et à 16h sur France Culture, jusqu'à preuve du contraire.